de partout, sages et fous. Écoutez bien la balade de celui-là qui s'en alla pour trouver l'Eldorado. Comme autrefois princes et rois s'en allaient pour les croisades, il a laissé tout son passé pour trouver l'Eldorado. Crinière au vent, le mort aux dents, encore la cavalcade. Que cherchait-il vers cet exil? Là-bas en Eldorado, sur son cheval sous les étoiles et le soleil en cascade, pour que demain brille en nos mains tout l'or de l'Eldorado. Il a traîné comme un damné, de mirage en mirage. Il a vieilli jour après nuit, sans trouver l'Eldorado. Mais la mort qu'il avait suivie en fidèle camarade lui a dit bien, je connais bien la terre d'Eldorado. On l'a trouvé, le fond brûlé, là-bas en Eldorado. La nuit parfois chante une voix et son âme en balade. Il cherche encore la poudre d'or quelque part en Eldorado. Eldorado.